l'avenir qu'on oblige. Quand le ciel est si triste et le soleil si beau. Alors pour présenter, Régis Fléchot est un compositeur français né à Paris qui compte à son catalogue un petit nombre, plus de 200 œuvres à la SACEM. C'est donc un joli chanteur. Il a appris quelques années, quelques scènes avec sa guitare, composé des groupes de différentes musiques. On va discuter avec lui, des années 80-90, Marie-Claire. Et puis, des groupes en plus ou moins connus. Alors, toi qui dansais sur le dance floor dans ces années-là, tu devrais connaître. Eh bien, écoute, j'écoute. Tu vas écouter. Alors, tout de suite, sans plus attendre, téléphone, Régis, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à toute l'équipe et bonjour aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, merci. Alors Régis, Fléchot ou Fléchot? Fléchot, je crois. Hein. Non, c'est Fléchot, il y a un accent. Voilà, oui, c'est vrai qu'on ne met pas d'accent sur les majuscules et sur les noms, alors voilà. On hésite toujours un petit peu. Voilà, donc c'est Régis Fléchot, alors. Comme j'ai dit, eh bien oui, tu as fait pas mal de scènes dans les années 80-90 en tant que guitariste, compositeur de différents groupes. Voilà, c'est ça. Effectivement, à l'époque, dans les années 80-90, j'ai fait pas mal d'expériences de groupe sur des musiques quand même assez différentes, puisque, bon, on est quand même passé, on va dire, du latino au rock, pour aboutir à un rock quand même assez musclé. Donc, il n'y a pas tellement de liens, en fait, on va dire... Dans toutes ces influences, mais c'est plutôt en fait les musiciens avec lesquels je jouais à l'époque, oui. qui m'influençaient, on va dire, vers ces nouveaux terrains de jeu, on va dire. Voilà. D'accord, donc tu as commencé assez jeune la musique, direct sur la guitare, ou tu as fait d'autres instruments un petit peu avant? Non, j'ai commencé en fait avec un copain de lycée qui m'a initié à la guitare. Je devais en gros avoir 15-16 ans. Et puis, c'était la révélation de ma vie, quoi. Donc, rapidement, j'ai appris les rudiments de la guitare, ce qui m'a permis, sans pour autant être un grand instrumentiste, à pouvoir m'exprimer. Alors, quand je dis m'exprimer, c'est que rapidement, je me suis tourné vers la composition. J'avais des choses à dire. C'est un parcours somme toute assez classique, hein. Il y a rien d'extraordinaire. C'est plutôt les détours, les retours aussi qui sont intéressants. Voilà, j'ai fait pas mal de tours et de détours, on va dire. D'accord. Et tu chantes beaucoup l'amour. Oui, beaucoup l'amour. C'est notamment le sujet de mon dernier album. Voilà. Sans pour autant me contredire, hein, puisque là on n'est pas du tout dans le rock, hein, je pense que tu as écouté quand même les chansons de l'album, on est vraiment très très loin du rock, mais on est tout près de l'amour. D'accord. Bon, donc oui, c'est... voilà. Eh ben, je te propose tout de suite, on écoute derrière nous Aux marges du silence. Ah bah avec plaisir, oui, une belle chanson. Juste notre affaire. Du Qui est-ce qui chante avec toi sur ces morceaux? Alors, j'attendais ta question. Oui, et ben oui, parce que en fait, je pense pas que ce soit ta voix quand même, ou alors je me suis trompé. Ah non. Alors, justement, je pense qu'il est utile et nécessaire quand même d'expliquer cet album. Bon, tu as parlé tout à l'heure des années saines, effectivement. Bon, pour l'instant, je n'en fais plus. C'est choisi. J'ai recentré maintenant ma carrière sur d'autres sujets. Je suis sur d'autres terrains de jeu, comme j'aime bien dire. Je compose beaucoup pour l'image. Je fais beaucoup de collaborations aussi avec des chanteurs et des chanteuses. Donc en fait, cet album, comme tu as pu t'en apercevoir, est consacré à l'amour, bien sûr. Et en fait, ce sont les femmes qui portent cet album. Je fais des apparitions vraiment très très sporadiques sur cet album. Je donne un petit peu la réplique sur certains titres, je fais des chœurs. Mais bon, je suis vraiment très discret puisqu'en fait, la parole, elle est vraiment laissée aux femmes hein, pour s'exprimer sur cet album. Donc oui, c'est pas moi du tout qui chante. Hein. Alors, en l'occurrence, pour Au Marge du Silence, c'est une chanteuse lyrique. Hein, vous avez pu apprécier quand même la qualité de sa voix. Oui. C'est Béatrice Demachy qui, pour le coup, interprète sur l'album 3 titres. D'accord. Alors, voilà. Toutes ces chanteuses-là, c'est des connaissances? Tu les as rencontrées par-ci par-là en concert ou c'est la coïncidence? Alors non, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué la thématique de la coïncidence parce qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Moi j'estime qu'il n'y a jamais de coïncidence. Hein. Donc il y a plusieurs chanteuses, je les connais pratiquement toutes, de longue date d'ailleurs, qui évoluent dans des registres très différents, qui ont leur propre carrière d'ailleurs aussi. Hein. La plupart sont ACI, comme on dit, auteurs, compositeurs, interprètes. Oui. Et alors, je les connais par le bouche à oreille, parce que quand j'en connais une ou deux, j'en connais 3 ou 4 après. Hein. Ça va vite, voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça. Hein. Voilà. Mais alors, elles n'ont pas toutes les mêmes voix, hein, pas le même timbre, et surtout, elles n'évoluent pas du tout dans le même registre. Mais quand bien même, l'album, à mon sens... après j'attendrai éventuellement les réactions de certains ou de certaines à ce sujet, mais l'album a quand même une unité hein, puisque on a une voix de femme à chaque fois. D'accord. Mais alors quand tu composes une chanson, tu penses tout de suite à une de ces chanteuses que tu connais ou c'est au fur et à mesure tu dis tiens finalement ouais j'ai fait ça et ça irait peut-être avec cette chanteuse là ou une autre chanteuse? Oui, alors ça m'arrive effectivement, et il y a des fois, je rame sur le banc de sable, c'est-à-dire que j'ai une idée, mais je n'ai pas la chanteuse qui possède cette voix, que j'ai dans l'oreille finalement. D'accord. Donc, c'est à moi d'aller la chercher. D'accord, c'est ça qui est bien. Et alors, c'est imagé, parce que quand on voit l'envol des papillons noirs, par exemple, qu'on a derrière nous, c'est des chansons, quand on écoute les paroles, moi je trouve que c'est vraiment pareil, très très imagé. On se projette tout de suite dans la chanson, on voit les images qui nous apparaissent dans les yeux quand on écoute. Oui. Alors ça, c'est Calice. C'est Calice qui, en fait, faut quand même le souligner, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, qui est, comme tu as raison de le souligner, très particulière. C'est elle, alors, qui a écrit le texte, et c'est elle qui l'interprète. D'accord. Alors, on peut m'entendre dans la chanson, hein, je fais les chœurs, et comme je te le disais tout à l'heure, je donne aussi un petit peu la réplique, mais c'est son truc à elle, donc, cette chanson-là. Et si on le replace dans le contexte, je dirais, de la thématique de l'album, en fait, l'album, pour moi, c'était de répondre déjà à 2 questions. C'est quoi l'amour pour les femmes? Oui, ça c'est difficile à trouver. Et c'est comment l'amour pour les femmes? D'accord. Ça c'est quoi? Voilà, donc, moi je peux pas répondre à ça, parce que d'abord je suis pas une femme. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à des auteurs, à des plumes féminines d'écrire sur le sujet, et à des femmes justement d'interpréter, de prêter leur voix à ces chansons. D'accord, alors moi je propose tout de suite qu'on écoute justement au début l'envol des papillons noirs avec Régis Fléchot sur Radio Arc-en-Ciel. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Eh bien oui, tu vois Marie-Claire, ça c'était Régis Fléchot avec des papillons noirs qui se baladaient. Et une interprète. Eh oui, et tu as vu les petits papillons, on les imagine, c'est ça qui est merveilleux dans cette chanson vraiment d'amour qui nous donne. Et toujours avec nous, hein, Régis, on l'a toujours derrière. Ah, je suis là, je vous écoute. Nous écoute, oui, oui. C'est gentil. Et non, et donc, ouais, quand on écoute, c'est ce que je disais, là, on ferme les yeux et on se laisse emporter par la voix et puis la musique, parce que là, je pense que la chanteuse est venue avec ses paroles et ça a été à toi donc de composer une musique là-dessus. Et c'est oui. Pareil, c'est pas peut-être pas évident de partir d'une autre idée de quelqu'un. C'est tu arrives à composer et à trouver vraiment les termes et à jouer avec ta guitare pour nous rapporter l'amour. Et je trouve ça merveilleux, moi. Oui, oui. Oh, bah, disons que je sais le faire, on va dire, dans tous les sens, comme on dit, entre guillemets. C'est-à-dire sans texte de support, en commençant par une musique, ou alors l'inverse, à partir d'un texte, et puis composer à partir du texte la musique, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même un morceau particulier, celui-là, que j'aime beaucoup. Ce qui m'intéresse aussi, ce serait d'avoir la vie des femmes. Parce que c'est quand même un disque, hein, même si c'est moi qui suis à l'initiateur du projet, c'est quand même un disque qui est porté entièrement par les femmes. Oui. Donc moi, ce que j'aimerais aussi, c'est, j'espère que quelqu'un nous donnera dans cette émission son avis sur ça, sur justement, sur le ressenti que d'autres femmes peuvent avoir par rapport à ça. Est-ce qu'elles se sentent concernées? Est-ce qu'on est dans un ton juste? Voilà, moi, c'est ça que j'aimerais entendre. Ah, Marie-Claire, j'ai une femme avec moi, je crois. Oui, on dirait. Alors Marie-Claire. Écoute, moi je n'ai entendu que deux chansons. Hein. Bon, d'abord, on sent la sensualité dans la voix des femmes. Je trouve qu'effectivement, avoir fait chanter des femmes, c'est très bien. Puisque c'est pas si souvent la preuve. Regarde, Sébastien, c'est déjà dans la programmation. On n'a pas eu trop de voix féminines aujourd'hui, finalement. Et ah, donc, bah voilà. Donc du coup, on se rattrape et c'est vrai que c'est tendre. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est l'amour. Bon, moi, je trouve que c'est avant tout la tendresse, hein, surtout quand on acquiert un certain âge. Et bon, disons que l'amour évolue et que bon, je pense que ce qui reste en finale, l'important, c'est la tendresse et l'amour, donc avec un grand A. Et puis en cette journée de câlins, parce que c'est la journée des câlins, forcément, ça tombe bien. C'est la journée des câlins. Alors le câlin, ah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui. Oui. La journée mondial. Oui. Oh là là. Donc alors, on se fait un hug. Ah bah moi aussi. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que l'album parle tout le temps d'amour. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça c'est intéressant parce que on n'a pas une chanson qui parle de l'amour de la même façon. On peut avoir une chanson où on est dans la sensualité, comme on vient d'entendre, hein, on s'en cache pas. Hein. Et puis on peut avoir aussi d'autres chansons qui parlent quand même d'amour, mais si vous les avez toutes écoutées, il y en a qui parlent de l'amour, mais par exemple aussi de l'amour de la mère d'une mère pour son enfant. Oui, il y a plusieurs registres, c'est évident. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas une façon de parler de l'amour, et l'amour, c'est pas qu'une seule chose. Non. Et c'est d'ailleurs... bien expliqué aussi, il y a une poétesse qui a écrit sur ça, puisque dans l'album, il y a aussi un titre qui s'appelle « L'amour sous toutes ses formes ». Donc, voilà, hein, pour moi, pour avoir un discours intéressant et pas parler tout le temps de la même chose, de la même façon, eh ben, il y a plein de façons de parler de l'amour, et j'ai sûrement pas fait le tour de la question. Eh bien, tiens, justement, « L'amour sous toutes ses formes » sur Arc-en-Ciel. Relation qui aux yeux des autres est morale. À ce sujet, le fond de ma pensée, c'est tout simplement que l'on ne choisit pas d'aimer. L'amour n'est pas une question de sexe. Bien au-delà, c'est beaucoup plus complexe. On croise au hasard quelqu'un qui dans notre cœur s'impose, qui fait naître en nous des sentiments qui se supposent. On admire chez cette personne sa beauté intérieure qui peint sur notre cœur tellement de belles couleurs. L'âme se perd, l'émotion nous envahit. On comprend alors que ce quelqu'un nous a saisis. et qui que ce soit, l'amour s'est imposé à nous, sans libre choix. Et ce que l'on peut faire de mieux, c'est de l'assumer pour être enfin heureux. Et quoi que l'on fasse, et qui que ce soit, l'amour s'est imposé à nous, sans libre choix. Et ce que l'on peut faire de mieux, c'est de l'assumer pour être enfin heureux. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et oui, en cette journée mondiale du câlin, l'amour, Marie-Claire. Eh oui. T'as vu ? Et alors, c'est ça l'amour. C'est exactement ce qu'il nous dit. Alors, j'espère qu'ils écoutent à la maison. Hein. Non, pour la journée du câlin, hein, quand on rentre. Voilà, si vous croisez Marie-Claire, hein, vous n'hésitez pas. Alors, allez faire un hug. Parce que maintenant, on dit un hug. Ah, oui. Donc, en fait, c'est prendre dans ses bras. Hein. Voilà, et faire un câlin. Et non pas épouse-moi comme on écoute derrière moi. C'est Régis Fléchot aussi. Alors Régis, je voudrais aussi qu'on parle entre autres d'amour avec toi, mais quelque chose que tu as fait, un hommage à une personne un petit peu connue, Monsieur Charles Baudelaire. Monsieur Charles Baudelaire, qui est un poète français archi connu, auquel j'ai consacré un album, puisque outre la musique, bien entendu, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt qui est l'écriture, enfin la lecture. Mais aussi la poésie, beaucoup. J'aime beaucoup ça, la poésie. Donc, voilà, j'ai rendu hommage à Charles Baudelaire en mettant en musique quelques-uns de ses poèmes les plus connus. D'accord. Alors, ça donne quoi, comme ça, si on prend juste toi à la voix, parce que c'est toi qui chantes sur ce Charles Baudelaire. Non, c'est pas moi qui chante. C'est pas toi qui chante non plus. C'est pas moi qui chante. Ah non. Alors là, en fait, on est sur la mixité des sexes sur cet album-là, puisque on a aussi des femmes qui chantent Charles Baudelaire. Elles ont le droit également de chanter Baudelaire. Et puis, il y a des hommes aussi qui le font. Donc là, c'est hommes et femmes hein, qui rendent hommage au poète. Mais moi, je ne suis pas dedans. Par contre, sur le prochain album qui sortira, alors là je dis pas quand, hein, parce que c'est pas pour demain, voilà. sur lequel je travaille déjà, là je pense que vous pourrez entendre ma voix, c'est prévu. Ah, bon, on a hâte. Alors justement, pour te retrouver, les différents albums que tu as sortis, hein, L'Amour, Charles Baudelaire et les autres, est-ce qu'il y a un petit site internet, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Dis-nous un petit peu plus. Alors, y a le site officiel www.regisfléchot.com. D'accord. Un site qui est très très bien fait où je parle de tout ce que j'ai pu faire, les expériences de groupe. Il y a un énorme player où on peut écouter toutes les chansons des périodes marquantes de mon parcours musical. Et puis, il y a aussi une section qui concerne la discographie. Et puis, je suis comme tout le monde, hein. J'ai une page Facebook. Donc, donc vous pouvez... les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui veulent éventuellement avoir un contact plus direct pour évoquer ma musique ou un texte ou une chanson en particulier, peut aussi me contacter en message privé, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, Régis Fléchot, Fléchau sur Facebook pour te retrouver, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. D'accord, Régis Fléchot. Et alors, si quelqu'un souhaite un jour, par-ci, par-là, t'envoyer des paroles, des musiques, une petite composition, t'es aussi ouvert pour étudier ça? Je suis ouvert à toutes les collaborations. D'accord. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait ma force, c'est que je n'ai absolument aucune barrière et je suis toujours en position d'ouverture pour accueillir tout ce que les personnes me proposent. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois ça débouche forcément sur quelque chose, une collaboration, mais je lis, c'est vrai que régulièrement il y a des personnes qui m'envoient des textes, pas des musiques parce que je suis donc moi-même compositeur-arrangeur, donc bon, les musiques je m'en occupe moi-même, et puis je suis toujours à la recherche d'interprètes. D'accord. Parce qu'évidemment je suis un gros consommateur d'interprètes, qu'ils soient hommes ou femmes. D'accord. J'en ai besoin pour mes... Et alors dans quel coin tu te situes aussi? Parce que ça on n'a pas parlé, quel coin de la France? Alors moi je suis à Paris. J'habite à Paris. D'accord. Et je suis en fait, je me partage entre Paris et la Bretagne. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour, c'est Paris. Je comprends mieux finalement maintenant. Et oui, forcément, notre ville des amoureux, c'est Paris. Bah oui, tout s'explique. enfin, l'amour est partout, de toute façon. Il suffit un peu d'ouvrir les yeux. Je pense que Marie-Claire sera d'accord avec moi. Oh, tout à fait, Régis. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et puis, voilà, d'être conscient de certaines choses. L'amour, il est omniprésent. Hein. Je fais pas quelque chose d'énorme hein, en parlant d'amour, hein, puisque il y a quand même des gens qui m'ont dit que c'était un sujet dont on parle tout le temps et que c'était pas original. Moi, j'ai jamais dit que j'étais original en parlant d'amour. C'est pas ça. C'est simplement ce que je pense qui est original. Plus dans ma démarche, c'est un homme qui donne la parole aux femmes pour parler d'amour. Ça, je pense que c'est plus original, oui. Oui. Et l'amour, de toute façon, c'est universel. C'est dans toutes les langues. C'est ça qui est bien. Ça va vite. Hein. C'est universel. Et puis, il y a des tas de chansons. Et il y en aura encore des tas de chansons sur l'amour. Le mot amour est repris régulièrement. Je crois que c'est un des mots les plus repris dans la langue française au niveau des chansons. Et pas qu'en chansons. Ah, bah ça, je ne savais pas. Mais il n'y a pas si longtemps, Sébastien, nous étions avec Mathieu Ricard. Oui. Et lui aussi parle d'amour et d'amour universel. Ah, oui. Donc c'est encore une autre forme d'amour. L'amour altruisme, ça m'a marqué. Hein. L'amour des uns et des autres. Je vois que tu as écouté. Tout à fait. Mathieu Ricard, l'interprète français du Dalai Lama en France qu'on a rencontré. Voilà. C'est pour ça. Oui, oui. Eh bien, on te remercie beaucoup, Régis. On te souhaite bon courage pour la suite, surtout. Parce qu'il y a du boulot. Merci beaucoup, en tout cas, merci Sébastien de m'avoir invité. Merci Marie-Claire. Avec plaisir. J'espère que l'interview a été intéressante, que les auditeurs ont appris des choses. En tout cas, je vous remercie. Enfin, je te remercie, Sébastien, c'est pour normal. Tes questions. J'ai eu quand même des questions que je n'ai pas l'habitude d'avoir, donc ça me fait plaisir. Ben voilà, nous, c'est un petit peu décalé. On aime bien justement laisser la place à tous nos artistes, auteurs, compositeurs, chanteurs, interprètes. Et puis, ben voilà, d'essayer de changer un petit peu des sentiers battus, de discuter au maximum, de vous laisser la place et puis d'écouter les merveilleux morceaux que tu as composés. Parce que là, ces chansons musicales d'amour pour cette belle journée du câlin, forcément, ça ne pouvait pas tomber mieux. J'ai une dernière chose à dire. Bien sûr, pour oui. se procurer mon album, que les personnes qui souhaitent l'acquérir me contactent en message privé sur Facebook, ce sera bien plus facile. D'accord, bah sans problème. Alors qu'elle te court après à Paris pour te faire un câlin et Régis, je veux l'album. Voilà, sans problème. Eh bien, Régis Fléchaud, FLECHEAU.com, c'est le site internet, ou alors sur Facebook, Régis Fléchaud, on te retrouve. Et nous, on n'hésitera pas à rediffuser les différents morceaux d'amour que tu nous chantes si bien. Avec plaisir, et d'autant que je mets toutes les radios à l'honneur, toutes les radios qui soutiennent mon album. De toute façon, vous le verrez. Je ne sais pas si la radio est encore dans le premier montage vidéo que j'ai réalisé, mais ce sera pour le deuxième, parce que comme je suis une personne qui n'est pas ingrate, je remercie tout le temps les personnes qui me soutiennent. C'est super gentil, ben merci beaucoup, merci. On soutient, moi je soutiens les artistes. Alors. Eh bien, bon courage pour la suite, et puis dès qu'il y a des nouveautés, t'hésites pas, hein, tu m'appelles, tu me fais passer tout ça, on n'hésitera pas. Avec plaisir, Sébastien, c'était... très très bien, et je te remercie de m'avoir invité à ton émission. Eh bien merci, à bientôt Régis, bon courage. Merci, à bientôt, Régis. Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.